La troupe artistique Wang Jiesan continue ses tournées locales dans la ville de Chongjin, province du Hamgyong du Nord, à partir du 21 courant, au grand intérêt des habitants du lieu.